écoliers nous envahissent. Il y a des robots partout. Les plaques tectoniques glissent. Et il y a quelques soucoupes. Mais grâce à un moment casquette rouge, qui est ni Mario, ni Red, ni Côte, ni Bou. Bob qui voudrait faire la guerre à toute l'espèce humaine. Personne ne sait pourquoi, mais faut pas qu'il montre son coin. Mais grâce à un mouvement casquette rouge, qui est ni Mario, ni Red, ni Côte, ni Bou. Nespo, la Jeff et Pou sont venus sur la Wii U dans un RPG en anglais où je pige rien du tout. Il faut 20 gigas, c'est Poki et c'est tout. Earthbound Mother 2. Nespo, la Jeff et Pou sont venus sur la Wii U pour finir les esprits. Sur cette planète de ouf, 20 des tasses de café, des zombies et des pépés, des new age rétro hippies, et puis des flaques de vomi, des aliens et des starmen, des grandes taupes et des ramen, et enfin Giga, c'est Poki et c'est tout, Earthbound Mother 2.